Et maintenant, quand je ne me suis pas inscrit là-bas, mm-hmm. quand on a commencé à me persécuter, lui qui a dit que non, laissez le frère tranquille. Mm-hmm. C'est lui qui m'a défendu. Il a fait exactement comme Gamaliel. Il m'a dit, laissez le frère tranquille. Je veux te dire que la persécution que j'ai reçue, elle était terrible. Merci. Jusqu'à me prendre ma femme. Mon épouse avait deux enfants. Merci. Je suis déjà perdu, je suis un reprouvé, je suis pas. Parce qu'eux, ils savent que la seule église, c'est mmh. l'église Adventiste, l'église mmh. du reste. C'est comme mmh. ça qu'ils appellent les tout et tout. Il fait de raison. Alors, mon frère, pendant mon jeune camp, il voulait me faire revenir. Mmh. Il n'a pas été, parce que ma femme a demandé le divorce. Attends, entre temps, ta femme était Adventiste. Oui, ma femme. Alors, ils ont mis les meilleures impressions sur. C'est moi-même qui. Un jeune homme très bouillant là. Mmh. C'est moi-même. Et les femmes aiment les positions comme ça. Quand voilà, même. Maintenant, c'est moi qui. Maintenant. On lui dit, mais ce n'est pas celui qui t'avait prêché ça. Ce n'est pas celui qui t'avait dit ça. Maintenant, il repense à ça. Qu'on voit qu'il est perdu. Mmh. Il faut faire attention. Elle a demandé le divorce. Marie, mmh. finalement, il sera obtenu son divorce. Mmh. Alors, bref, ça c'est le truc. Alors, c'est là, je suis perdu. Je ne sais pas. Ça, c'est en quelle année maintenant? Nous sommes en l'an 2000. Je rejoins maintenant les frères. Dit de Dabista, mmh. parce qu'il n'habitait pas très loin de moi. Mmh. Comment les faire chanter? Au moins, là, je vois quand même les doctrines. Mmh. Et puis, c'est un peu en règle. Mmh. Les doctrines. Ce sont les brothers. Brothers. Brothers. Non, c'est pas. C'est même la nuit des filles là, qui m'a offert la Bible de Dabis parce que je l'ai entraîné à. Je lui ai donné pour les cours de mathématiques. Mmh. Elle est en Allemagne maintenant. Ah non, David, c'est le groupe Darby avec. Non, c'est là, c'est le groupe dont tu parles là. Mm-hmm. Il y a des aspects de la doctrine qui sont bien, mais le truc de miracle puissance là, mm-hmm. il n'y croit pas à cela. Mm-hmm. Il croit à la cessation de certains dons, il respecte une bourse de présent. Mm-hmm. Laisse le frère parler. Non. Quand on voit un juif pour pouvoir convaincre jusqu'à soi, c'est différent de la prédication et des choses. Moi, je dis que. Et tout quelqu'un qui croit moins à la parole de Dieu, qui mm-hmm. croit que la Bible est la parole de Dieu. Mm-hmm. Pourquoi j'allais le convaincre alors venir à Dieu pour lui dire que la Bible est la parole de Dieu. Pas de décision là-bas. Mm-hmm. Qui nous sont, qui m'ont parlé, puis je peux dire ça comme décision. La session sur la Bible. Mm-hmm. Hein, sur la Bible, il y a mm-hmm. la véracité de la Bible. De la Bible. Si il y a quelqu'un pour moi, c'est pas vrai. Et quoi, moi, que la Bible est la parole de Dieu. Mm-hmm. Il n'y a plus là son problème. Mm-hmm. Amène directement dans la Bible là pour qu'il mm-hmm. comprenne. Et tous les évidences là, l'âge, tout ça, ils font les projections mmh. là. Tout ça, c'est pour amener quelqu'un à avoir confiance à la Bible et la parole de Dieu. Mmh. Mais ce qu'on dit après la Bible et la parole de Dieu, mmh. ça c'est. On ferait même ça, ce n'est que les efforts humains vains. Non. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un à la parole de Dieu, que c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc ils ont fait le programme ou les projections, ils ont les projections, quand ils viennent des projets pour montrer que l'âge a été retrouvé, si ça a été retrouvé ou autre là-bas. Les évidences scientifiques, ils peuvent prendre les évidences scientifiques pour prouver tout ça. Mais là, on trouve ça. On trouve tout cela. Alors, bref. Ça, bon, nous sommes déjà allés un peu long. Donc, allons-y, rentrons dans le niveau des trucs. Donc, quand tu as lu le livre, donc, comment le déclic s'est passé à l'intérieur de toi? Non, le déclic est passé que j'étais troublé. Je ne comprenais pas. Pour moi, je savais qu'on ne peut obtenir le salut que par la foi, mm-hmm. sans les œuvres. Oui. Mais comment je peux comprendre ça? C'était pour moi un trouble. J'ai passé tout le temps dans un milieu où on parlait du salut par les œuvres, mm-hmm. par l'observation de la loi. Comment maintenant on peut me dire comme ça? Troublé, elle dit bon, je rejoins les. Et c'est au moins une consultation parce qu'il y avait déjà le trouble dans mon foyer, mm-hmm. pas menacé de partir. Je rejoins les frères d'Abyss entre parenthèses, quoi. Mm-hmm. Et là, c'est le frère d'Abyss. Tout comme que ce que j'ai vu là-bas, il y a beaucoup de vertus et rencontres là-bas. Mm-hmm. Je peux dire que le Seigneur me fait grâce de comprendre que j'étais perdu. Mm-hmm. Totalement perdu. Mm-hmm. Tous mes efforts que j'avais fait là, c'était avant. Il fallait que je comprenne cela. Mm-hmm. Et que le seul recours devait être le Seigneur Jésus. Mm-hmm. Et je veux dire que dans mes études personnelles et tout, j'ai compris que j'étais sauvé, que j'étais perdu. Mm-hmm. Et maintenant, le Seigneur m'a sauvé. J'ai eu une paix en moi malgré tout ce trouble. Mm-hmm. Autour. Autour. J'ai dit que non, je vais compter sur le Seigneur Jésus. Mm-hmm. C'est ainsi que. Reste là. Tout ce qui se passait là, à un moment, j'ai voulu me faire un blocage pour que mon épouse ne divorce pas parce que j'avais la possibilité. J'ai des frères juristes et tout et tout et tout. Et tout. J'ai dit que ça risque de me faire un grand problème. J'avais un frère juriste, maintenant, je sais que si on est marié, on ne divorce plus. Je vais faire comment? Je vais dire comment j'ai quand même encore l'envie de la femme. Je vais faire comment? Je suis resté là dans les pensées. Je ne voulais pas divorcer. À un moment, laisse-moi dire non, il faut laisser. Il a divorcé. C'est après maintenant, dans mes yeux, je constate que non, la vie me dit que non.

Pardon papa, Imbongolé. Imbongolé.